Rêve du diable, le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, plein de belles surprises. On vous a préparé un bon deux heures, comme d'habitude, Marc et moi. Et on commence, on vous donne le coup d'envoi ce soir avec The Spaghetti Epic 4 de, vous savez qui, de Samurai of Prague, un concept qui s'étale sur plusieurs années. Et puis, c'est le quatrième volume avec plein d'invités comme on connaît les gars de Samurai of Prague. Donc, on retrouve notamment Stefano Galifi de Meso Rosenbach, Raphaël Pacha, le guitariste espagnol, Marco Criego, multi-instrumentiste italien qu'on connaît notamment pour ses deux disques avec Macro Marco, et Alessandro Di Benedetti qui finalement on se retrouve de tous les projets, là, le claviériste de Matt Crayon et de Inner Prospect. Et ce sera la pièce High Noon qu'on va entendre ce soir. Moi, je pensais que c'était relié. Une référence au film High Noon du réalisateur Fred Zinnemann, un film western de 1952 avec Gary Cooper et Grace Kelly, mais apparemment, selon ce que Marco Bernard a expliqué, il n'y a aucune référence à aucun film. L'idée de Spaghetti Epic 4 était simplement de s'inspirer des films de Ennio Morricone, donc pure coïncidence, j'imagine, pour le titre High Noon. Et puis, ben, après, on aura un groupe italo-britannique, Post-Generation. On a écouté un extrait la semaine dernière, l'album Control Z. Et puis, Marc, après, ben, je pense que c'est les Pays-Bas qui sont le prochain point à notre itinéraire. Oui, en effet, il s'agit du nouvel album de Han Will. On vous en a présenté un premier extrait il y a deux semaines. C'est tiré de son album Walking in Circles, qui vient de paraître cette semaine. Et c'est son cinquième album en carrière. Il fait également partie de la formation Seven Day Hunt. Alors, on aura pour ce soir la pièce Hold On. Et ce sera suivi d'une nouveauté de The Prog Collective, un album qui va paraître le 1er juillet et qui a pour titre Songs We Were Taught. Et il y a sur ça beaucoup de musiciens invités, Billy Sherwood, Brian Stolt, John Davison, Dweezil Zappa, Patrick Moraz, Martin Barr, Steve Moore, Stevie Lage, Jerry Goodman. Alors, on aura de cet album la pièce In the Land of Grey and Pink de Caravan, que vous connaissez probablement tous. Et c'est ici avec le musicien Ron Bubblefoot Tall de Guns N' Roses. Mais pour débuter ce bloc musical, comme vous disait Michel, c'est la nouveauté de The Samurai of Prague. We'll be right back. time is getting hard. Though you're pretending all is well, just hold on. Be still. See the sunset, see the sunrise, take some rest, chill for a while. When others judge and criticize, don't hold a grudge and realize I'm here for you. I will never let you down. I'm here for you. Just hold on to me. is strong. The winds of change will blow and they will blow your way. Hold on, be strong. No matter how your tears run, I will never let you go. Stop to think they'll be coming back again. Those nasty, grumpy Gremlins, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. take your money. Is it innocent? They're so thin. Wave black buckets in the sky. Don't leave your dad in the rain. Silhouettes burn bright tonight. They'll all get washed down the drain. Sail away for just one day to the land where the pumpkin grows. You won't need anybody, just fingers and your toes. And when it's dark on Bogle Park, on the land of warm and green, pick our fill of pumpkin and smoke it till we clean. That's all we'll need. While sailing back in morning light, we'll wash our teeth in the sea. And when the day gets really bright, we'll go to sea drinking tea. 42 Québec, tu apprends la programmation informatique comme si tu étais sur le marché du travail. Ici, pas de cours magistraux. On te propose des projets que tu pourras effectuer à ton rythme en collaboration avec tes collègues. De plus, tu pourras bénéficier d'un contact privilégié avec des professionnels tout au long de ta formation. Les inscriptions sont en cours pour les cohortes d'août et septembre. Rends-toi sur 42québec.com pour en savoir plus. samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour entamer cette demi-heure, on va avoir une nouveauté italienne. Il s'agit du groupe Elsmere, un projet du guitariste ou multi-instrumentiste Roberto Vitelli. Trois albums jusqu'ici, dont je pense que plusieurs ont eu le choc en écoutant Weird, qui était un des meilleurs albums italiens de 2020. Le premier album, chez les Châteaux de la Loire, et puis le second, From Sea and Beyond. Le quatrième album a pour titre Live Smare, et en fait, il reprend intégralement, quasi, là, les Châteaux de la Loire et From Sea and Beyond, aucun extrait de Weird, mais par contre, deux pièces inédites, et puis comme invité spécial, John Hackett à la flûte. Après ça, on reste en Italie avec une jeune formation qui a pour nom Caravaggio, l'album éponyme Caravaggio. Jusqu'à pas si longtemps, le groupe partageait son batteur avec la formation Quelqui Dice Il Tuono. Je sais pas si c'est encore le cas. On aura la pièce Unlike Dolphins. Et après ça, Marc, je pense qu'on se dirige vers les États-Unis. Oui, et ce sera un voyage dans le temps, en fait, parce que c'est une formation qui a fait paraître son premier album en 1998, la formation Vast pour Visual Audio Sensory Theater. C'est d'ailleurs le titre de leur premier album. La formation a fait paraître 6 albums en studio, plus un en spectacle paru en 2011. Alors, on aura la pièce Dirty Hole, et ce sera suivi de la formation britannique Solace Supplice, tirée de l'album Liturgie Contemporaine, qui vient de paraître le 15 juin. Et ce sera une pièce en français qui s'intitule Dans la couche du diable. Mais pour débuter ce bloc musical, comme vous le disiez, Michel, la nouveauté italienne Elsmere. We'll be right back. un altro brano, questa volta un brano cantato, e ho il piacere di accogliere sul palco Giorgio Pizzala. Yeah. Sacred. le camp qui brade les destins. Allons narguer sous le clair de lune. Allons narguer les relents d'infortune. Dans la couche du diable, des anges se prélassent sur cette paillasse sagace. Vice et passion vorace. Dans la couche du diable, des anges se prélassent. Dans ce pieux venimeux, nous pourrions être heureux. Solution illusoire, remède factice. Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. Du 30 juin au 9 juillet, larguez les amarres à Petite-Vallée pour la 39e édition du Festival en chanson. Pendant 10 jours, assistez à plus de 60 spectacles et vivez une expérience humaine et des rencontres artistiques inoubliables avec Émile Bilodeau, Paul Piché. Il y a pas grand-chose dans le ciel à soir, il y a pas grand-chose, sur rien à voir. Salomé Leclerc, Zachary Richard, Laura Nicoué, Pour une histoire d'un soir, Paul Darache et plusieurs autres. Réservez vos billets au www.festivalenchanson.com ou au 418-393-2222. Le Festival en chanson de Petite-Vallée est une présentation d'Hydro-Québec et de Québécois. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation italienne que j'ai découverte il y a de ça un an et demi environ, alors qu'on a pu entendre les pièces du nouvel album qui était en travail et qui est paru cette année, l'Alba della Civiltà. C'est la formation Odessa et on aura un extrait donc de cet excellent album, la pièce Rasoi. Et ensuite, Michel, deux artistes excellents qu'on a eu la chance de voir au festival Terra Incognita. Oui, après Odessa, on aura Björn Riis, un extrait de son plus récent album solo, Everything to Everyone. et puis aussi un extrait de Infernal de Fido. Et tu as bien raison, les deux nous ont visités en 2019 dans le cas de Björn Riis, et c'était vraiment spécial parce qu'il venait non seulement en solo, mais aussi avec son groupe Airbag. Et puis on avait eu le plaisir d'accueillir aussi Hawk, des membres de Hawk qui jouaient avec Björn Riis et aussi avec Airbag. C'était magique. Et puis Fido, mais c'était leur deuxième visite dans le cadre du festival, et je pense que tout le monde s'en rappelle avec un grand sourire. Bref, de la part de Björn Riis, on va entendre la pièce Every Second, Every Hour. Et puis de la part de Fido, mais ce sera Inquisitor. Mais pour le moment, on y va donc avec un extrait de Odessa, l'Alba de la Civiltà. We'll be right back. Every second, every hour. Always on the run. Always on the move. Time is passing by. Time is catching up on me. Don't know where I've been or where I'm going to. Someone to help me under.

comes close to taste. The factions fighting blindly keep him smiling. And just when he may want to pounce, the voice of reason starts to sound, but no one thought to get it down in writing. Well, time's a stealer, money walks, and all we get's an empty box. But the debtor court is gleaming brightly. Meanwhile, as the tiger smiles, we gather in a single file and sleepwalk, sleepwalk nightly. So all the dreaming people arriving in their line, whilst he remains in hiding, all in good time. High above, the eagle flies, drones are watching from the skies, they supervise. They supervise. So am I being ominous, or don't you think they notice us just pieces in their game? But she's out there wailing, beware the sunrise, when all any hope, it has begun. No, they can't believe we struggled on in the silence, 'cause we were convinced that the answer was coming. Clear out the wreckage, prepare it for seed. Allô, c'est Mélo, Mélodie Spire. Vous écoutez CKRL. Et dans les limes, je m'abandonnerai à toi. C'est ma toune. À 42 Québec, tu apprends la programmation informatique comme si tu étais sur le marché du travail. Ici, pas de cours magistraux. On te propose des projets que tu pourras effectuer à ton rythme en collaboration avec tes collègues. De plus, tu pourras bénéficier d'un contact privilégié avec des professionnels tout au long de ta formation. Les inscriptions sont en cours pour les cohortes d'août et septembre. Rends-toi sur 42québec.com pour en savoir plus. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le dernier bloc musical de l'émission, on aura la formation italienne Malus Handler, qui ont fait paraître un seul et premier album en 2017, intitulé Ozymandia. On aura la pièce Sunset. Et pour débuter, Michel, une artiste américaine avec une très belle voix, fort sympathique, qui a fait paraître son second album en 2018. Oui, la chanteuse Laura Mead, du groupe américain ou new-yorkais même, Is. Elle a lancé l'album Remedium en 2018 et plus récemment The Most Dangerous Woman in America. Dans le cas de Remedium, elle était même venue au festival avec son conjoint John Calgano et Paul Bremner à la guitare pour ouvrir les journées en présentant son album Remedium. De beaux souvenirs, en fait, ça. Et de cet album, on écoute la pièce Sunflowers à Tchernobyl. October, I'll take it away, make it